Puis ça m'a redonné le goût là, vraiment là, d'apprécier ce qu'est le sport, là, okay? Puis de voir d'autres choses différentes aussi du côté de l'Europe. Puis présentement, j'ai juste l'intention de revenir ici l'année prochaine, là, puis Ah oui, d'essayer de me ok. trouver un contrat en division. Hein. Après la pause, l'avocat de Ville-Saint-Denis, Charles Quentin et son groupe vont escalader le mont Kilimandjaro. Arts martiaux mix avec Claude Perron. Le temps des fêtes est le moment idéal pour penser à ceux et celles qui font notre succès. Le bureau d'arpenteur Jean-François Gagnon et Luc Hébert profitent de cette occasion pour remercier sa distinguée clientèle qui fait son succès. Et soyez assurés du même bon service pendant la prochaine année. Le bureau d'arpenteur Jean-François Gagnon et Luc Hébert, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 88-276-8724. En ce moment de réjouissance, Madame Josée Turcotte, propriétaire de l'école Conduite technique aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à sa clientèle ainsi qu'à toute la population. Paix, bonheur, santé, ce sont les vœux de la direction et du personnel de l'École de conduite technique située au 1531 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-3708. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des camions de transporteurs et des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionneurs sont situés au 905 boulevard Hamel à Saint-Félicien, au téléphone 418-679-4194. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard Gagnon à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6102. On est de retour à danadosport.com. L'avocat Charles Quentin et son groupe sont partis pour le mont Kilimanjaro où ils vont escalader ce mont à compter de demain. Hier, sur les ondes de danadosport.com, il a bien voulu expliquer qu'est-ce qui a motivé son groupe à faire cette telle aventure. De se lancer un défi au niveau sportif et on voulait associer ça à une espèce d'ascension et en même temps ou un organisme. Et c'est là qu'on a choisi la protection de l'enfance et de la jeunesse. Et on a appelé ça au sommet pour un montant de 15 000 $ pour la protection de l'enfance et de la jeunesse. Donc, les deux choses sont associées, et du sport. Et dans un deuxième temps, Charles Quentin explique qu'est-ce que le groupe a le plus peur durant cette aventure. C'est beaucoup plus le mal de l'altitude, le mal des montagnes, c'est-à-dire que si on arrive à 3 000, 3 500, 4 000 mètres, gérer l'altitude, dans ce moment-là, ça crée des maux de tête, ça crée des symptômes qui sont complètement inévitables, c'est-à-dire que ça devient un peu morphologique et physiologique. Donc, très difficile à éviter. C'est l'ennemi numéro un du randonneur, là, quand il arrive aux endroits, au contraire d'un endroit comme le Kilimanjaro. OK. Dis-moi, et le danger est réel, mais très minime, selon Charles Quentin. On sait qu'il y a plusieurs aventuriers qui sont pas revenus de ce mont-là, mais Charles Quentin mentionne qu'il faut quand même être prudent durant cette aventure. Non, écoute, c'est sûr qu'il y a une certaine préparation. Ça prend une connaissance de la montagne qui passe par la randonnée à l'équipe. Donc, oui, ça peut être dangereux si, advenant qu'on décide de la monter en quelques jours, mais ce faisant, on a prévu une montée de 8 jours avec 3 guides plus toute une équipe de porteurs et de cuisiniers. Donc, on a prévu un peu, on a encore le risque à ce moment-là pour éviter d'avoir des problématiques quelconques. Que ce soit au niveau du froid, là on y va avec l'équipement, hein, au niveau de la randonnée, on y va avec un délai en conséquence. Donc tout est prévu dans le fond, on fait pas ça au hasard. Donc j'invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier je me suis entretenu d'abord avec Frédéric Degg de la presse canadienne, on parle de Tim Raines qui est à 91,9% du vote. Ce matin, avec 38% des taux de bulletins rendus publics, on sait qu'on va connaître l'élection finale le 18 février pour rentrer à Cooperstown. Également, je me suis entretenu avec le descripteur des matchs des Saguenay et de Chicoutimi, Sébastien Morin, où on revient sur la période des fêtes chez les Saguenayens de Chicoutimi. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.